Bonsoir, vous êtes là? Eh bien, nous allons nous embarquer pour cette 759e émission de Rendez-vous avec vous. Nous allons explorer le temps de la musique, le temps des guinguettes, les aubades, les brises, et puis bien d'autres moments en votre compagnie, en compagnie également des chansons que vous aimez. Des chansons douces, parce que cette émission, c'est une émission douce pour celles et ceux qui aiment la vie. Voilà, on est parti pour cette 756e et une petite aubade d'oiseaux pour se mettre en jambe. C'est parti. Ça, c'est le premier voyage. Et oui, on est parti un petit peu dans le temps. Hein. Oui, le temps qui nous rappelle quelques souvenirs. Peut-être pas pour vous qui êtes tout jeune. Oui, oui, bien sûr, vous êtes tout jeune. Mais vous savez, à l'écoute, il y a aussi des personnes d'un âge certain, voire d'un certain âge, tout simplement. La guinguette, eh bien, elle va fermer ses volets, mais pas tout de suite, pas tout de suite. La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran les profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frise à l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur, oui mais...

ces quelques minutes et qui nous ont permis de faire un beau retour en arrière pour tout simplement se rappeler et se rappeler. Et maintenant, eh bien, c'est l'espérance. Bien qu'elle soit folle, nous l'aimons, cette espérance. C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit et les matins qui chantent déjà enchantent nos soirs d'aujourd'hui. Viens, c'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. C'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui danse et vole au-dessus des toits, des maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus au sommet des montagnes mades, des cieux inconnus. Viens, c'est la fête en semaine, viens, je t'attends, tu ne sais plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien, ce sourire est déjà le lien avec les beaux gens qui viennent, reviennent. L'espérance folle, et oui, c'est une chanson dans la barrière, hein, tout simplement, mais qui nous a été interprétée par l'excellent Damien Poyard. On va passer à autre chose, à toute autre chose. L'amour est le pire des fléaux, il change l'allure, truque les mots. C'est pire qu'un lavage de cerveau. Comme l'oasis dans le désert, il nous attire, il cherche à plaire pour nous faire plonger en enfer. L'amour n'a aucune morale, c'est un criminel en cavale. Mais qui peut dire, qui peut vivre sans amour? Qui peut faire comme s'il n'en voulait pas? Qui

On va faire un petit tour du côté du Portugal. Est-ce que ça vous tente? C'est parti. C'était la marche portugaise qui nous a été interprétée à l'instant. Vous savez, de la cité des amants, les amants de Vérone, à la cité des doges, à Venise donc, c'est une ville qui m'est particulièrement chère, bien évidemment. Eh bien, il n'y a qu'un pas, et oui, il n'y a qu'un pas, une heure et quart de route, allez. On y est vite, mais nous, on va faire encore plus vite. Fellini Roma, l'écho de la strada, le chant des mandolines dans le vent, les cris des mamas, quand les gars de la piazza sifflent les colombines trop longtemps. Je ferme les yeux, je te revois, et toute l'Italie parle de toi. Alla di d'amore et bascati più ancora, un été pour s'aimer, souviens-toi. De Vérone à Venise, dans le bleu du décor, tous les amours me rappellent et nos rires rougent. De Vérone à Venise, où je te pleure encore, ce n'est pas l'Italie si belle qui me brûle. Roméo, Juliette et les pigeons de Saint-Marc, les images défilent, mais pourtant le rêve s'arrête quand je croise les regards au détour de ces villes des amants. D'autres comme nous semblent s'aimer, il me sourit pour mieux te rappeler. Et quand ils s'embrassent, c'est un peu toi que j'enlace. À la fin de l'été, souviens-toi. De Vérone à Venise, dans le bleu du décor, tous les amours me rappellent et nos rires et nos jeux. De Vérone à Venise, où je te pleure encore, ce n'est pas l'Italie si belle qui me brûle les yeux. Voilà, un petit voyage rapide pour se rappeler tout simplement de ces deux très belles cités, Vérone et Venise. Allez, on va faire une petite dédicace, et c'est pour Raymonde de la part d'Henriette, Henriette qui lui adresse toute son amitié, bien évidemment. Et voilà, et c'est Julio Iglesias qui va nous permettre d'exaucer ce vœu avec « C'est ma vie », tout simplement. Quel que soit notre chemin ou que l'on aille, on a tous un peu le cœur dans les étoiles. Baladant toujours en piste, moi je mène une vie de fou, mais c'est la vie que j'aime. Un avion, puis un taxi, une chambre, du 1er janvier au 31 décembre. Un regard, qu'une sera, qu'une aventure, un amour, qu'une durée, que les temps des regrets. C'est ma vie, ce millier d'estans fragiles qui s'envolent et s'éparpillent au jardin de souvenirs. C'est ma vie. Elle est là comme une femme qui aurait dit vague à l'âme juste avant de me sourire. C'est ma vie, c'est la ronde fantastique où s'enroule de musique autour des jours et des nuits. C'est ma vie, avec ses joies et ses peines, elle est pareille à la tienne, on n'y peut rien, c'est la vie. Un avion, plus un taxi, une chambre. Le 1er janvier au 31 décembre. Un regard qui ne sera qu'une aventure. Un amour qui ne durera que le temps de nos regrets. C'est ma vie, ce millier d'estins fragiles qui s'envolent et s'éparpillent. Jardin de souvenirs, c'est ma vie. Elle est là comme une femme qui aurait dit vague à la mer juste avant de me sourire. C'est ma vie, c'est la ronde fantastique où s'enroule de musique autour des jours et des nuits. C'est ma vie, avec ses joies et ses peines, elle est pareille à la tienne, on n'y peut rien, c'est la vie. Le crooner espagnol toujours égal à lui-même, bien sûr, comme tous ces chanteurs méditerranéens, comme on les appelle. Hein. Ils ont quelque chose qui fait que, voilà, tout simplement. En plus, Iglesias, oui, particulier, très. Allez, si on chantait un tout petit peu l'amour, mais l'amour de Noël, on est à quelques jours de cette belle fête qui nous anime toutes les années et où le petit enfant naît. Eh bien, dans les familles, il se peut que ce jour-là, un enfant, mais pas le même, un enfant à soi, un enfant à soi-même, naisse également, en même temps que le petit Jésus, comme on l'appelle. Eh bien, il y a quelqu'un qui nous a quittés, voilà, un an, qui s'appelle tout simplement Johnny Hallyday. Eh bien, avec cette chanson, « Mon plus beau Noël », cela nous rappellera tout simplement cette fête qui nous est si chère et où la naissance de Jésus qui vient au monde nous rappelle que nous sommes, nous, là. Attendre, attendre et attendre. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis. Ces instincts qu'on découvre, avec toi je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie, pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi

l'accordéon quand je m'éveille, m'offre des airs qui m'émerveillent. Je pense à ces jeunes années, ce passé si vite écoulé. Le samedi soir à la guinguette, c'est l'ami Jouroy du musette qui jouait de si beaux tangos en tirant sur son vieux bandeau. En chantant l'amour, on fleurit nos jours au parfum doux de la jeunesse. En chantant l'amour, on parle toujours de ces mots remplis de tendresse. Chanter chaque jour ce joli chant d'amour, c'est offrir un bonheur sans promesse. Chanter chaque jour ce joli chant d'amour, enivrant tout son cœur sans paresse. Alors chante ton amour sur mots de velours, tendre et doux comme une caresse. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Même si bien d'autres sont belles, je ne vois pas vraiment pourquoi j'aurais envie d'être infidèle avec une femme comme toi. Tantôt douce et parfois rebelle, tu me rends fou à chaque fois. Tantôt en jeans ou en dentelle, tu fais ce que tu veux de moi. Tu ne m'as pas laissé le choix, car j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme, toutes les femmes en une seule femme. L'amour entre nous fait la loi, car j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme. Toutes les femmes en une seule à chaque fois. Tantôt en jean ou en dentelle, tu fais ce que tu veux de moi. Tu ne m'as pas laissé le choix, car j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme, toutes les femmes en une seule femme. L'amour entre, car j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme, toutes les femmes en une seule femme. Parfois rebelle, tu

le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. On peut rester des années à se contempler et vivre chacun de son côté. Je la rencontrerai au bas de l'escalier, puis, comme tous les jours, elle me dira bonjour. Seulement cette fois, elle me prendra le bras, me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour. Dans son lit jour après jour, elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plus tôt le premier mot. Le premier mot. J'aimerais qu'elle dise le premier mot. La nuit, j'en rêve, et c'est idiot. Si elle voulait seulement me faire signe tout bas, alors je ferai, je le crois, le premier pas. Vous en avez usé des chaussures avec cette chanson et ce slow. Ah oui, vous en avez usé, oui. Des chaussures et le plancher des vaches, hein, comme on l'appelait à notre époque, hein, oui. Ce plancher qui nous était si cher avec les balles montées que l'on pouvait, eh bien, tout simplement se payer à petits frais le samedi, le dimanche, le vendredi des fois. Et puis, c'était la belle vie. C'était le bon temps, comme on dit. C'était le bon temps. Voilà, tout simplement. Dans quelques jours, qu'est-ce que je dis ? Dans quelques heures, eh bien, c'est Noël. Hein. Eh oui, il faut y penser. Il faut y penser et nous avons, en tout cas à la radio et particulièrement dans cette émission de Rendez-vous avec vous, eh bien, une toute petite pensée pour Noël qui va bientôt arriver dans nos foyers avec les cadeaux, avec bien sûr le sapin de Noël et puis la crèche bien évidemment. Et puis tout ce qui se déroule, tout ce qui se passe autour de cette magnifique fête. Pour terminer cette deuxième partie de l'émission, nous allons écouter deux ou trois mélodies qui nous rappellent cette belle fête. Thank you.

le quart d'heure italien basé sur l'amitié, parce que l'amitié, c'est quelque chose d'inestimable. Ça se fait pas comme ça, une amitié. Une amitié, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose, exceptionnel, d'exceptionnel. Mia fede ti giurai ed è rimasta ancora, ma tu presto diventasti un uomo come tanti, con le sue amanti, e così ogni sera tu vai via, lasciandomi da sola, piena di malinconia. Qui ad aspettare le tue briciole d'amore, quello che tu mi darai, amore mio, sto versando troppe lacrime, amore mio, io non vorrei mai più dividerti. Forze lotterò perché sia come prima, ma forse è tardi, caro amore, per guarire questo cuore dalle tue abitudini, e se non riuscirò ad avere tutto, mi dovrò accontentare di quello che tu mi darai. Du bien d'entendre tout ça. Ah oui, si, surtout que ce sont des chansons tout simplement d'amour et d'autrefois, bien évidemment. Allez, un petit coucou à Annette et à Daniel. Voilà, une petite pensée pour ces deux amis du côté de la rivière. nella cornice verde della valle, fra i monti puoi vedere, dove la neve bianca bacia il cielo, una chiesetta c'è. Torna il mio pensiero, quando felice ero con te. Ora non sembra vero, solo un ricordo vive con me. Chiesetta bianca di lassù, tu mi ricordi il mio passato, negli anni della gioventù, un grande amor perduto. La tua campana ascolterò, nella mattina luminosa, e poi da te verrò, con una stella altina ed una rosa. Sorridevi amor, ricordo la promessa tua sincera, per sempre t'amerò. Giorno di primavera e sulla vetta spuntava un fiore. Ora scende la sera e alla chiesetta sola sarò. Chiesetta bianca di lassù, tu mi ricordi il mio passato, negli anni della gioventù, un grande amor perduto. La tua campana ascolterò, nella mattina luminosa, e poi da te verrò, con una stella alpina ed una rosa. Eh oui, allez, ça va être bientôt la fin de cette émission, sans pour autant oublier que nous allons encore prendre une année de plus. Oh là là là là là là, ces années, qu'est-ce qu'elles passent vite, non? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me réveille le matin, je suis déjà au lendemain, alors je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En tout cas, ça file à une vitesse vertigineuse, et dire que quand on avait 20 ans, on se disait « Ouh là là, bientôt la retraite, vivement la retraite », eh bien non, on ferait bien un pas en arrière. Siamo come l'acqua che va al mare, viandanti sulle strade della via. La vita che di noi non ha pietà, la gioventù presto se ne va. Ma noi ci accontentiamo, ci basta il nostro amor, perché ogni compleanno ci trova un bianco. Hai un anno in più, hai compiuto solo ieri. Lo champagne qui per noi, questa sera siamo noi e brindiamo volentieri. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo. Non capisco come fai a restare come sei, vivi nei miei desideri. Regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi, non dimenticarlo mai. lasciamo stare amici e parenti, noi soli a lume di candela, rivivere i momenti che sai tu, ricordi che ci legano di più. E poi la notte intera e l'alba che verrà, un anno da affrontare più bello ancor sarà. Hai un anno in più, lo hai compiuto solo ieri. Lo champagne qui per noi, questa sera siamo noi e brindiamo volentieri. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo. Non capisco come fai a restare come sei, vivi nei miei desideri. Mi regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi, non dimenticarlo mai. Hai un anno in più, tu però hai fermato il tempo. Capisco come fai a restare come sei, vivi nei miei desideri. Mi regali gli anni tuoi, sarò tua finché lo vuoi, non dimenticarlo mai. Eh oui, on va essayer, on va tâcher de ne pas oublier bien ces années que nous avons passées ensemble et qui, j'espère, que l'on va encore continuer à passer ensemble encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de décennies. Bon, pas tant que ça, parce que faut pas déconner non plus, comme qui dirait l'autre. Bon, allez, on va terminer sur une belle note avec encore une très, très belle mélodie. Et qui va nous rappeler tout simplement certains souvenirs. En tout cas, pour celles et ceux qui croient au ciel, qui croient à tout ce que l'on peut croire, cette chanson qui va terminer cette émission, c'est la chanson idéale, c'est la chanson parfaite qui va avec la croyance que l'on peut avoir. Et puis, ça rappelle aussi le souvenir de nos chers disparus. Ça aussi, il ne faut pas les oublier. La scolpita in un tronco di abete, un bel pastorello. Dall'altare di quella cappella lei guarda la valle, poi qualcuno colori e pennello l'ha un dì pitturata. Ora è il simbolo d'ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro stai pregando, su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole ed inverno tra il gelo e la neve, ma il tepore della primavera circondata dai fiori sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Voilà, c'est avec cette dernière que l'on se quitte pour mieux nous retrouver. À très bientôt sur le 91 et sur le 100.2. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, à vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. La Madonna dai ricci.